Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Oscar Duchemin. Je parcours le monde en van avec ma famille. En ce moment, on est en Russie. Et vous savez ce qu'il y a de génial avec ce pays ? C'est que c'est une terre de contes et de légendes. Et chaque mardi d'octobre, je vais vous en raconter une. Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende sur la Baba Yaga. Dans un petit village, vivait Dragana, une petite fille qui n'avait plus de maman. Un jour, son père se remaria avec une femme cruelle. Dès qu'elle le pouvait, elle maltraitait Dragana et rêvait de s'en débarrasser. Un jour, le père partit en voyage. L'occasion était trop belle pour la marâtre qui demanda à sa belle-fille. « Rends-toi chez ma sœur, demande-lui une aiguille et du fil pour que je puisse te confectionner une belle chemise. » Une partie de Dragana trouva sa louche. L'autre espérait que sa belle-mère avait changé. Cet espoir s'envola lorsqu'elle croisa sa tante qui lui demanda où elle se rendait. À l'annonce de la destination, sa tante blêmit. Son horrible belle-mère l'envoyait chez la Baba Yaga, une horrible ogresse doublée d'une terrible sorcière. Heureusement, elle savait comment lui échapper. Elle offrit à Dragana une besace, chargée d'un bout de jambon, d'un flacon d'huile, d'un pain et de ruban. Elle lui expliqua ensuite comment s'en servir. Rassurée, Dragana se rendit chez la sorcière qui habitait une drôle de maison montée sur des pattes de poulet. L'horrible Baba Yaga l'a reçue et alla préparer un thé. Dragana l'entendit alors demander à sa servante de laver la fillette afin de la faire cuire pour le dîner. Dans un coin, un chat fixait Dragana en se léchant les babines. Lorsqu'il sortit ses griffes, la jeune fille lui offrit le morceau de jambon. Le félin ronronna et elle lui demanda comment s'échapper. « Vois-tu ce peigne et cette serviette ? Prends-les et sauve-toi. Lorsque la Baba Yaga te poursuivra, jette la serviette derrière toi et lance le peigne et tu verras. » Dragana le remercia et s'enfuit. À peine sortie de la maison, deux molosses bavants surgirent. Elle leur donna le pain et ils l'oublièrent. Vint ensuite un énorme portail grinçant. Elle huila ses gonds et il s'ouvrit. Dans la forêt, un bouleau s'agita. Elle noua un ruban à son tronc et put filer. Son dîner volatilisé, la Baba Yaga hurla sur ses serviteurs qui lui répondirent qu'elle avait jamais été bonne avec eux. Furieuse, elle poursuivit sa proie. Lorsqu'elle entendit la sorcière s'approcher, Dragana jeta la serviette qui se changea aussitôt en une immense rivière. L'ogresse grogna, courut chez elle et ramena trois bœufs qui burent toute l'eau. Très vite, la sorcière rattrapa Dragana qui lui lança alors le peigne. Une forêt touffue jaillit. La Baba Yaga voulut scier les arbres avec ses dents, mais elle n'y parvint pas. Vexée comme un pou, elle rentra. Lorsqu'elle arriva chez elle, Dragana trouva son père. Inquiet, il lui demanda où elle était. Elle lui expliqua tout. Fou de tristesse et de colère, son père alla trouver sa femme. Mais celle-ci avait tout entendu et s'était enfuie. Cette légende, c'est juste un tout petit bout de la culture russe. Si vous voulez en savoir plus sur la Russie, on a écrit un carnet de voyage avec mes parents et ma sœur. On y parle de nos rencontres avec ses habitants, de leurs coutumes, des animaux, des monuments. Vous pourrez même apprendre quelques mots de russe. Il y a aussi des jeux et on a glissé des tas d'autocollants. Rendez-vous sur lesminimondes.fr, les mini M-I-N-I, monde au pluriel, .fr, pour en savoir plus et le commander. Je vous laisse, on a encore des tas de choses à visiter et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle légende.